standard, tête de mort sur fond noir. Le pire des mammifères finira sous ma mâchoire. Prends ton pochoir, marque le nom sous les murs. La bête sort du noir, tache de sang sous la fourrure. Soudé au micro, jette des sorts, appelle les esprits. Les hommes n'ont pas de répit, MC devant la folie. Dolly ramène tes clones, prends un barbecue PCB. Je t'ai pas dit oxy, agent orange assaisonné. Au détergent dans les dents, de l'amiante dans les veines. Tchernobyl, Makaza, mutation anxiogène. Phénomène exponentiel, réaction en chaîne. En peine petite sirène, trop gavé au benzène. Sous tranxène, matasène, une prière pour les cieux. Silencieux, le poison se propage sous tes yeux. Un pieu pour les vampires, tous à pied dans la tombe. Leur et sombre danse, l'or mène la danse dans la ronde. Un cri résonne quelque part. Assoud à droite, reste ses femmes finissent dans des abattoirs. Des milliers de disparus massacrés par des bâtards qui se soucient des ouvrières qui rentrent tard le soir, ou bien des agriculteurs poussés au suicide par la firme Monsanto avec ses graines et ses pesticides. Les fleurs du mal poussent à l'ombre des billets verts. On n'arrête pas le cancer avec une pelle et un lance-pierre. Bien plus dans les médiasphères, on brasse du vent pour masquer la misère. Jamais le fond, toujours la forme. On touche le fond à force, ça rend amer. Ça sent la merde, dis-moi ce qu'il y a de moderne. Les modèles sont tous des coons. Si tu zoomes, y'a rien sous l'épiderme. Mal beaucoup de l'esprit, premier pas vers le gouffre. Des coups contre des mots, on t'étouffe, reprends ton souffle. Rapport de force, combat d'idées, déraminé. Les points liés, spéculation, fond d'intérêt. Grâce à cette trame de nos destinées. Deviennent des films de gore, les gosses mettent plus la tête dehors. Les assassins sans armement nous intoxiquent au médiator. Les médias collaborent, pêche faux pour de vrai. La vérité est ailleurs, les comptes offshore, tu connais. Ton bidon, conspiration zéro. Tu veux changer le système, applique la méthode zéro. Chronologie d'une espèce en voie d'extinction. Ce n'est pas une fiction, jette un œil au balcon. La poisse nous guette, la glace se perce. Le cash sous perf, les larmes se versent. Pays sous dette, la bourse nous berce. C'est le baiser du Judas, ouvre bien tes fesses. La planète, la kermesse, du nouvel ordre mondial. Le business du berceau à la pierre tombale. Ça va finir mal, ils nous traitent comme du bétail. Nous sommes sous le contrôle d'une bande de fils de pute cannibales.